un homme sur le tapis. Made in Unity, on est encore là. C'est Bitume, Fendi Mike. Après tant d'années, tu le vois, on est encore là. Encore là. Même si on a trébuché parfois, on ne lâchera pas, non. Stibi dibi boum boum boum, chi boum boum boum, di wohoi. Stibi dibi boum boum boum, chi boum boum boum, di wohoi. J'te donne un flow en acoustique. Afin de big up un poteau de manière authentique. Soldier Biz a toujours tout fait pour la zik. Essaie de la rendre magique en théorie comme en pratique. Made in Unity, présent dans la partie. Made in Unity, mêlé massive Irie. Made in Unity, présent depuis longtemps. Après tant d'années, tu le vois, on est encore là. Encore là. Même si on a trébuché parfois, on ne lâchera pas, non. Stibi dibi boum boum boum, chi boum boum boum, di wohoi. Stibi dibi boum boum boum, chi boum boum boum, di wohoi. Tant d'années à kiffer, vous savoir derrière nous. Malgré les galères et les coups de mou, tu sais, on ne fait pas ça pour la monnaie, mais juste par amour. With love, with love. De cette idée qui s'appelle reggae, qu'on chérira toujours et à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Oui, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Pour la vie, mais des Unity et Bitume, on est ensemble, tu le sais, l'ami. C'est un pour la mélodie de pour la brutality. Bitume a made in Unity depuis ses débuts, c'est toujours uni. Sur moi, tu peux compter, refrain, je suis le parrain pour la vie. Mais des Unity et Bitume, on est ensemble, tu le sais, l'ami. C'est un pour la mêlée, un pour la mêlée, un pour la mélodie.